Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est Fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, on va entendre Gérald Massois de France, Cheat the Prophet des États-Unis, Riverside de Pologne, Amplifier d'Angleterre, Paul and Chucky de Pologne, Danofé du Danemark, Radiant Moon des États-Unis, Just Prime Noctis d'Italie, et en conclusion d'émission, nous aurons le Québécois Jacob Roberge. Alors, je vous propose pour débuter l'émission un artiste que je viens de découvrir. Il s'agit du Français Gérald Massois, qui vient de lancer un deuxième album qui s'intitule « Demain à l'aube » et duquel j'ai extrait la pièce « La bataille de l'Èbre ». Je rappelle que c'est un album concept qui relate l'histoire de deux frères lors de la guerre civile d'Espagne. Et l'album est divisé en 9 chapitres et pour une durée totale de 67 minutes. Et ensuite, on va entendre deux extraits de l'album Redemption d'un groupe américain qui se nomme Cheat the Prophet. Mais on y va tout de suite avec Gérald Massois. Depuis 100 jours, nous défendons sur une terre aride, une colline sans nom, dans une guerre fratricide. Après des heures d'un dur combat, survient une accalmie, un silence lourd s'impose là, fugace illusion d'un répit, un message d'un funeste présage. Soudain au loin, un bruit sans nom détonne à l'horizon, le sol tremble sous nos pieds, nous fait tous chanceler. Nous nous croisons tous du regard, un ultime au revoir. Tout se fige à cet instant, dans l'attente d'un dénouement implacable, d'une danse avec le diable. Et dans le silence, une évidence d'un grand crépuscule de verre, nous périrons dans la chaleur d'un nuage de fer. Le ciel s'obscurcit, puis sans un cri, pris dans une issue funèbre, nous nous noierons dans les eaux sanglantes de l'Èbre. We'll be right back. vole, ton éclat souffle violemment nos corps. Nous mordons nos bouts de bois, priant fort ce Dieu qui dort. La poussière nous habille d'un dernier manteau d'aiguille qui nous comprime sauvagement et nous mutile jusqu'au sang. Brase vrille et vacille, nous restons plaqués au sol, attendant que la mort enfin nous dévore. Semble désormais illusoire. La peur dans son règne trahit nos sens, nourrit nos cœurs d'impuissance. Dans la poussière des fourneaux brûlants de l'enfer. Like a fake socialite, trying to live a dream you can't achieve. Soulmates come and soulmates go, when they're fucking everyone you know. And you know, karma's a bitch, and then you die alone. Revenge is a dish that's best served cold. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce deuxième segment de l'émission d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux artistes assez bien installés dans le giron progressif. Et en premier, j'y vais avec Riverside de Pologne qui vient de lancer la version spectacle de leur plus récent album intitulé ID. Ça, cet album-là est paru en 2023. Et l'album live, il contient 12 chansons réparties sur 2 CD. Et j'en ai tiré les pièces Lost et l'autre s'intitule Panic Room.

a bridge to the Neverland. Oh! We'll be right back. sa part. The pyramid scheme feeding at the cash machine. You'll enter the basement, ride it right to the top. Some it's second nature. Ascend the summit elevator. Now that I'm richer than the eastern sun. See me glittering gold. Écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire entendre quatre artistes de genres assez variés que je viens tout juste de découvrir, alors on y va avec des nouveautés. On débute avec le groupe Paul & Chucky de Pologne, avec un extrait de leur premier album qui s'intitule Letter from Silence, et ça sera suivi de Danofé du Danemark, et ensuite on aura Radiant Moon des États-Unis, et on va conclure avec les Italiens Just Prime Noctis. Pour ceux qui veulent avoir le libellé exact de ce qui est diffusé aujourd'hui, bien, je vous invite à consulter la feuille de route de l'émission sur notre page Facebook de Rock de Neuron. Alors, on débute ça avec Paul & Chucky de Pologne. Thank you. evig søgen, som dagens nødbord, dagryd falser mig. Frier mig selv, frigør alt, hvad jeg har gjort, og frier mig fra mig. Søger efter lys, Var mig under natten, var mig når jeg fryser. Find mig natsværmer. Find mig natsværmer. We'll be right back.

studies and songs. All the things I wish I've had, like waves now swelling the gale. All my rocks get wider than flat, long before I could climb them. And the grass stopped the time of falling asleep, stopped the pattern to make me weep. But this night I feel forced to think how to love and make it sing. Down the bed, my arm wrinkles my verse. Today and tomorrow in flight, cut each other and leave me a little alone. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour conclure l'émission d'aujourd'hui, je vous propose une seule chanson. Et en fait, c'est un extrait d'une chanson qui, originalement, dure 32 minutes. Et moi, je l'ai réduit à 25 minutes pour les bénéfices de la programmation de l'émission. Et cette chanson, elle apparaît sur le premier album d'un artiste québécois que je viens de découvrir. Son nom, c'est Jacob Roberge. Et il vient de lancer un premier album intitulé « The Passing ». C'est la pièce titre qui dure 32 minutes, mais en plus de cette pièce, on a aussi sur l'album 5 autres chansons. Finalement, je ne connais pas grand-chose de ce musicien qui apparaît être multi-instrumentiste, autre qu'il a déjà fait partie des concurrents de Star Academy de l'édition 2021. Et je peux dire aussi que cet artiste-là jouit déjà d'un certain succès d'estime de la part de plusieurs amateurs de rock progressif du Québec. Alors on y va tout de suite avec Jacob Roberge.